Chapitre 5e, les héritiers. Pendant que leur voiture roulait vers Saint-Mandé, Armand, sans plus se préoccuper de son duel, questionnait son cousin au sujet de ce parent qui convoquait tous les héritiers du duc. « Qu'est-ce que ce monsieur de Noël chez qui nous allons ? » demanda-t-il. « Tu le connais ? Y dînera-t-on proprement au moins ?»« Dîner bourgeois, tenant du banquet électoral, » dit Léon. « Du poisson pour sûr, le maître de la maison est un peu sur la ligne enragé et heureux. Un imbécile alors. Oui et non, en tout cas un original. Si nous sommes une cinquantaine de personnes, ça va lui coûter cher. On dit la famille nombreuse. L'homme est à l'aise. Il s'est marié à une veuve coquette, prétentieuse et décatie qui jouit d'une dizaine de mille livres de rente laissées par le premier mari. Un vieux. Le Noël, de son côté, a une rente de 4 000 francs comme retraité du ministère de l'Intérieur. La femme a un amant. Qu'est-ce que c'est que cet amant-là ? Un parent de Le Noël. Un monsieur qui se prétend littérateur parce qu'il a écrit dans les journaux de mode des articles de nouveauté. Il se dit poète parce qu'il a fait des chansons sans sel et mal rimées qui l'ont fait admettre au cabot. Il dîne et déjeune même presque tous les jours chez Le Noël. C'est quasi un ménage à trois. Cette vieille bête ne s'aperçoit donc de rien. Il est aveugle. Du reste, il n'a qu'une passion, la pêche. Madame Le Noël et son amant Hippolyte Leblanc, qui signe vicomte de Nérac dans les journaux, exploitent tous deux le goût désordonné de Le Noël pour la friture. Ils l'ont convaincu qu'il y avait plus de poissons à Neuilly, dans les parages de l'île de la Jatte, que dans la Marne, vers Charenton. Le bonhomme Le Noël, pendant toute la belle saison, loue une chambre meublée à Neuilly et passe sa vie sur l'eau. Il prend énormément de poissons. Il le vend à un restaurateur du bord de l'eau et paye sa pension et son logement en carpe, brochet et barbillon. Il ne revient chez lui que le dimanche, parce que ce jour-là, les canotiers font tant de bruit qu'il est impossible de pêcher. En voilà un type. C'est un brave homme, plus intelligent qu'on ne le croirait à le voir et à l'entendre. Il a des idées originales. Témoin, celle de nous convoquer tous ce soir. Il est vindicatif plus qu'on ne se l'imaginerait, et il tient longtemps rancune d'un mauvais procédé. J'imagine que s'il se savait cocu, sa femme et Hippolyte Leblanc, dit vicomte de Nérac, passerait un mauvais quart d'heure. Tu crois qu'il jouerait du revolver ? Cette vieille bête a pour cela assez d'énergie. Il vient quelquefois au café de Suède et on le blague. Entre amis, c'est lui égal. Mais un jour, il a donné un soufflet à un cabotin qu'il avait traité de crétin. C'est le cabotin qui n'a pas voulu se battre. Il me va, ton Le Noël. Il te connaît, mais tu ne le connais pas. Il t'a vu quelquefois au Suède. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé ? Tu l'effrayes avec tes manières. Il s'y fera. Mais j'engage ce polyte à ne pas me marcher sur le pied. Je vengerai ce pauvre homme qui est bafoué par sa femme et se ruffiant. Léon avait sans doute à se plaindre du pseudo-vicomte de Nérac, car il conseilla. Pour embêter le polyte en question, mets-toi bien avec la maîtresse de la maison. C'est une idée. Mais qui verrons-nous encore ? Tu dois connaître un peu la famille puisque tu vas quelquefois chez les Le Noël. Je pense que ce soir nous verrons les Troussets et les Lamberquiers. Qu'est-ce que ces gens-là ? Les bourgeois. Les pères sont bêtes, les mères sont ennuyeuses, les fils hypocrites et sournois, les filles, ma foi, tu verras. Il y en a qui sont jolies, mais c'est farci de morale et de préjugés. À part l'algarade que je prépare à l'ami Polyte, dit Armand, je ne vois pas trop d'éléments de distraction dans la soirée. Il faut compter sur l'inconnu, sur les parents que je n'ai jamais vus, dit Léon. Et puis, peut-être, mademoiselle Fernande, y sera-t-elle avec le docteur ? Le docteur ? Oui, le tuteur de mademoiselle Fernande. C'est un nom célèbre. Il soigne les artistes, les gens de lettres, les diplomates, la haute finance, tout le Paris d'élite. Tu ne connais pas le docteur Favel ? Imbécile, tu n'avais qu'à me dire son nom. Je lui ai rendu un fameux service à ton docteur. Un soir, il revenait de Neuilly avec sa voiture. Le cheval s'était emporté et courait droit contre l'Arc de Triomphe. J'arrêtai la bête qui m'a traîné plus de 20 mètres. Mais je n'ai pas lâché prise. J'étais noir de contusion quand je me suis relevé. Qu'est-ce qu'a dit Favel ? Il m'a remercié et m'a engagé à venir le voir le lendemain. Et alors ? Je n'y suis pas allé. Pourquoi ? J'aurais eu l'air de commander de la reconnaissance. Était-il seul dans sa voiture ? Il m'a semblé y voir une jeune fille évanouie. C'était mademoiselle Fernande. Puis avec un soupir. Si seulement j'avais eu comme toi le bonheur d'arrêter le cheval, après, peut-être Fernande m'eût-elle aimé. La reconnaissance mène à l'amour. Tu aimes donc cette jeune fille ? c'est-à-dire que je l'aimerais si j'avais de l'espoir. Mais elle a 200 000 francs de dot. Qu'est-ce que ça fait ? Dit Armand avec une confiance superbe. 10 000 livres de rente, voilà-t-il pas une affaire ? Tu es peintre, tu auras du talent si tu travaillais. Dis à cette jeune fille que dans 3 ans, tu auras une médaille au salon et 50 000 francs de commande. Mets-toi à l'œuvre et tu te marieras avec ton infante. Si j'aimais une femme, moi, je me ferais en 2 ans une position superbe. Dans la littérature ? Non, dans l'épicerie. J'ai des idées qui n'est pas très potin. Je révolutionnerai le commerce des cornichons et des denrées coloniales. Léon se mit à rire. Mon cher, lui dit sérieusement son camarade, sache que si je consacrais à vendre et à acheter de la mélasse le quart de l'intelligence que je dépense pour dîner chaque soir, je deviendrais millionnaire. C'est possible, fit Léon, qui sentait que son ami disait la vérité. Mais c'est ennuyeux d'être épicier, vive la bohème. C'est ma devise aussi. Mais au moins je ne soupire pas, moi, parce qu'une demoiselle Fernande ne veut pas de moi. Vaut-elle au moins la peine qu'on s'occupe d'elle ? Mon cher, c'est un ange. Qu'est-ce que tu entends par là ? D'abord, elle est d'une beauté séraphique. C'est une figure de vierge destinée à devenir une sainte madone. Elle a un regard d'une douceur infinie et un sourire suave et charmant. Elle est simple, bonne au-delà de toute expression, pas coquette, pas prétentieuse. Elle ne pose jamais, elle dit ce qu'elle pense et se fait adorer par tout le monde. Armand tressaillit. « Qu'as-tu ? » demanda son ami. « Rien. C'est-à-dire que j'ai éprouvé un choc. Tu viens de faire un portrait qui me séduit, et si cette demoiselle est ce que tu dis, je suis capable de tomber amoureux. Ça me donnerait un but dans la vie, car je vais à l'aventure, ne tenant à rien et n'étant tenu par rien. » Léon se mit à rire. « Ce serait drôle, fit-il, toi, amoureux de Fernande et te rongeant, pourquoi pas ?» Léon, qui aimait, et qui n'avait pas réussi à se faire aimer, avait vu son cousin réaliser des choses si difficiles qu'il pensait qu'après tout son cousin pouvait devenir un rival sérieux et dangereux. L'envie lui inspira un mot cruel. « Et ton duel, si le baron allait te tuer demain, je serais mort, » dit avec calme Armand. « Mais tu viens de formuler un souhait qui prouve que quand on touche à certaines cordes chez toi, on fait vibrer de mauvais sentiments. C'est pourquoi, comme je te l'ai dit plusieurs fois, je t'aime sans t'estimer. » Léon se pinça les lèvres et ne répondit pas. Armand se mit à regarder les passants. Ils finirent le voyage sans mot dire, se boudant tous les deux. Monsieur le Noël, que les pêcheurs ses confrères appelaient le père le Noël, attendait les invités. Le temps était superbe. Monsieur le Noël avait fait dresser sur la pelouse de son jardin une vaste table en fer à cheval. Il avait calculé sur 30 personnes au moins, et il en pouvait venir 50. Monsieur le Noël laissait à sa femme et à son ami, le pseudo-vicomte de Nérac, le soin de recevoir tout le monde. Il était tout à la cuisine. Là, deux femmes de ménage de renfort et les servantes de 2 familles d'invités préparaient le dîner sous l'œil de la Marion qui, depuis 20 ans, servait les Le Noël. Comme l'avait parfaitement prédit Léon, c'était à la fois un dîner bourgeois et un banquet. Quand M. Le Noël eut donné le dernier ordre, il monta des cuisines et se présenta au jardin à ses invités. Ceux qui, parmi eux, ne se connaissaient pas, s'étaient réciproquement tâtés et la glace était rompue. Tout ce monde était en belle humeur en raison de la perspective d'héritage. Chacun se montrait souriant à tous et tous grimaçaient des sourires aimables à chacun. Le Noël, héros de la fête, reçut un accueil sympathique et enthousiaste. C'était un homme de 60 ans environ, bien conservé, grisonnant, mais rubicond et hâlé. La vie en plein air, sur l'eau, lui donnait un teint de paysan. Il avait la figure ronde, pleine, avenante, joyeuse. L'œil était brun, brillant, et annonçait un tempérament capable de s'enflammer. Toute la physionomie annonçait la bienveillance et la bonne humeur, mais on sentait que l'éducation bourgeoise, la vie de bureau et le peu d'élévation des pensées avaient fait de M. Le Noël une nature vulgaire, banale, sans relief. Cependant, la bouche annonçait une certaine finesse, l'œil fixé avec fermeté. Si cet homme n'avait pas été atrophié par 30 ans d'administration, il aurait eu une certaine valeur. Il déployait une ruse de sauvage comme pêcheur et il aurait montré de l'énergie dans des circonstances critiques. En face de Madame Le Noël, sa femme, il se croyait inférieur et se sentait petit garçon. C'était pitié de voir cette vieille folle ridiculiser ce brave homme. Il s'appelait Jules. Elle l'appelait Julot et n'avait fait son domestique. Julot par-ci, Julot par-là. Jamais Jules n'avait protesté. Sa femme savait en jouer. Elle l'avait convaincu qu'elle avait fait un sacrifice énorme, elle, bien élevée, riche, en l'épousant, lui, un peu rustre, privé de toute élégance et ne jouissant que d'une pension de retraite. Il la traitait en grande dame, qui daignait se mésallier et ne prenait aucun ombrage de son ami Polyte, qui conduisait Madame Le Noël au spectacle, au bal, en soirée et au concert. Le Noël était ravi d'être débarrassé de ses corvées. Il était de ces naïfs qui croient à l'amitié et qui ne supposent pas que l'homme qu'on reçoit à sa table peut vous tromper. Madame Le Noël, blonde fadasse de 47 ans, était une grande femme assez bien faite, qui n'avait jamais été ni belle ni jolie, quoique l'ensemble des traits fût assez régulier. Mais des détails désagréables offensaient le regard. L'oreille, par exemple, était plate et mal tournée. Au coin du nez et sur le contour des narines, la peau se piquetait de points noirs que la poudre de riz ne dissimulait pas suffisamment. Le front se pelait légèrement, le teint était couperosé. Madame Le Noël avait en outre le suprême mauvais goût de ne pas vouloir paraître vieille. Elle portait des robes qu'une femme de 30 ans aurait trouvées trop jeunes. Elle avait des chapeaux écrasés par des fouilles de fleurs. Elle se donnait des airs enfants et affectait des grâces minaudières. Elle avait dans le pseudo-vicomte de Nérac un cavalier servant qu'elle avait dressé à ravir et qui réalisait son idéal. Hippolyte appartenait à la catégorie si nombreuse des crétins prétentieux. Comme homme, c'était un avorton. Le peuple qualifie ces types d'un mot brutal mais significatif. Quand il voit passer un de ces êtres ratés et malvenus, il l'appelle une fausse couche. Hippolyte était pâle, chétif, malsain, fiévreux, quasi bossu. Il avait la laine chargée de bile, l'œil faux, inquiet, et le regard oblique des faibles envieux et lâches. Il était venimeux du reste comme une vipère, et il bavait le venin sur les réputations avec beaucoup d'habileté. On le redoutait à cause de la morsure. Sans mérite, sans valeur, il avait eu cette adresse de se faire passer auprès des bourgeois pour un journaliste de talent, parce qu'il tournait des articles de réclame pour journaux de mode, dans le genre de Madame de Renneville. Sa plume lui rapportait très peu, mais il avait son nid chez les Le Noël. Il avait conquis le mari en se faisant le porte-voix de sa renommée comme pêcheur et en le flattant en remplissant toutes les corvées qui pesaient à Madame Le Noël. Hippolyte avait conquis Madame Le Noël par les petits soins, par une admiration outrée, par des exagérations de respect. Il l'avait traitée comme elle voulait l'être, en duchesse. À vrai dire, il l'aimait. Laid comme il était, pauvre et sans avoir, il trouvait dans cette vieille coquette mieux qu'il n'avait jamais espéré comme femme. Plus la table et l'argent de poche. La maison Le Noël n'était pas dispendieuse à tenir. À part les toilettes de madame, la dépense était bien réglée. Il y avait donc surabondance d'argent et large excédent de revenus. Hippolyte avait su se faire donner sur ce boni une rente mensuelle de 200 francs fixes, sans compter les cadeaux du mari et de la femme. Seule, bien entendu, celle-ci connaissait cette rente qu'elle servait à son mari. Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des ménages à trois quand Madame Le Noël eut l'idée de convoquer ses parents. Inutile de dire que toutes les familles réunies là montraient des égards pour Hippolyte qui, de son côté, tout en tranchant du maître de la maison et du grand homme, se montrait affable pour tous ses bourgeois. Mais il avait une épine, ou plutôt deux épines au pied. Le premier sujet d'inquiétude, c'est que le docteur Favel le tenait à distance. Favel était un homme considérable et considéré, il avait une réputation européenne. C'était un prince de la science. Comment avait-il consenti à venir à ce dîner, dans cette cohue bourgeoise, avec sa pupille? C'est parce que Fernande avait voulu absolument que son tuteur la conduisît à cette réunion de famille. Elle aimait le Noël, qui lui faisait faire de longues promenades en bateau. Fernande adorait les parties de plaisir sur l'eau. Elle trouvait dans le Noël le plus complaisant des hommes. Ce brave pêcheur, de son côté, s'était pris d'une vive affection pour cette douce et belle fillette. Il se regardait comme son second tuteur. Pour elle, il se fût jeté au feu. Favel le savait. Absorbé par ses études et par sa clientèle, il ne pouvait toujours s'occuper de Fernande. Sachant qu'il pouvait compter sur le Noël, il permettait à sa pupille, accompagnée d'une vieille gouvernante, toutes les promenades et les parties de pêche que bon lui semblait. C'était du reste une excellente hygiène pour la santé délicate de Fernande. Toutefois, jamais le docteur n'avait voulu permettre que sa pupille accompagnât Madame Le Noël au théâtre. Il ne trouvait pas bon que ce fut Hippolyte qui conduisit au spectacle la maîtresse de la maison au lieu et place du mari. Favel se montrait poli, mais froid vis-à-vis du pseudo-vicomte de Nérac. Celui-ci s'en chagrinait et faisait tout au monde pour vaincre cette réserve. Mais il y avait un autre motif d'inquiétude qui le piquait au talon. Le rapin Léon devait venir, disait-on, accompagné par Armand. Or, maître Hippolyte, s'il n'était pas connu d'Armand, le connaissait et le craignait d'instinct. Sa nature d'aborton regimbait en face des colosses. Son hypocrisie avait horreur de la loyauté d'un caractère comme celui d'Armand. Il savait que ce jeune homme avait un sang-gêne redoutable et il pressentait que le franc-parler du jeune bohème le blesserait probablement au vif. D'autre part, Léon avait froissé plusieurs fois Hippolyte. Ils s'étaient piqués réciproquement et ils se sentaient hostiles l'un à l'autre. Hippolyte avait presque fait défendre l'entrée de la maison à Léon, qui ne revenait ce jour-là qu'en raison de l'invitation générale. Le pseudo-vicomte supposait à bon droit que son ennemi exciterait contre lui sa verve railleuse. Il ne se trompait pas. Cependant, comme l'heure de se mettre à table arrivait et que les deux bohèmes ne paraissaient pas, Hippolyte espéra qu'il ne viendrait point. Mais survint un des fils Lambertier, le seul jeune homme de tous ceux qui se trouvaient là, qui eut quelque valeur. Il était étudiant en droit. Après avoir salué tout le monde, il vint serrer la main d'Hippolyte et lui dit « Est-ce que Léon ne vous a pas prévenu que nous avions pour cousin un journaliste nommé Armand, qui est de la taille d'un carabinier ?»« Un journaliste !» fit Hippolyte avec un suprême dédain. « Un journaliste, ce jeune homme, non, c'est à peine un reporter. »« Possible !» riposta Lambertier. « Mais c'est un rude garçon. Il se bat en duel demain avec le baron Jalich, un Hongrois, qui a tué deux adversaires et qui n'a jamais été blessé dans les nombreuses affaires qu'il a eues. « Notre cousin Armand est un homme mort !» s'écria haineusement Hippolyte. « Je connais le baron et je ne donnerai pas 10 centimes de la vie de ce monsieur Armand. »« Tant pis, » fit Lambertier. « Ce garçon-là est un des plus beaux hommes que j'ai vus et c'est une riche nature. Est-ce qu'il ne vient pas ce soir ? Il devait être des nôtres. Mais ce duel l'empêchera d'assister à notre dîner. Entre nous, ce n'est pas une grande perte. Un bohème comme lui. » Fernand entendait cette conversation. « Monsieur, demanda-t-elle à Lambertier, pourquoi donc ce jeune homme se bat-il avec le baron Jalich ? Mademoiselle, dit Lambertier, ce Hongrois, paraît-il, tué deux jeunes gens, ses compatriotes, qui lui avaient reproché d'avoir trahi Kossuth, le grand révolutionnaire qui faillit émanciper son pays en 1848. Notre cousin Armand aurait traité ce baron Jalich d'assassin. De là, pour demain, cette rencontre. Dans laquelle, dit Hippolyte, ce jeune homme apprendra à tenir sa langue, à ne pas calomnier les gens et à ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Je vous demande un peu si les affaires de Kossuth sont les siennes. Le Noël avait écouté avec un vif intérêt ces discussions. Il connaissait un peu Armand. Mon cher Hippolyte, dit-il, notre cousin Armand est un peu trop bohème, c'est vrai, mais c'est un brave cœur. Une bonne nature, et il m'est très sympathique. Tu l'aimerais, si tu l'avais vu seulement une fois. Ma foi, non, fit Hippolyte. Je n'aime pas les jeunes gens insolents qui attaquent inconsidérément des réputations faites. Le Noël n'était pas homme à contredire longtemps son ami. Il se contenta de répondre. Il faut de l'indulgence pour la jeunesse. Mais au fond, il admirait l'acte d'Armand et se sentait fier de l'avoir pour parent. Ce fut Fernande qui riposta à Hippolyte. Mais, monsieur, il me semble que si ce jeune homme a l'épreuve de la trahison du baron, il a cédé à un mouvement généreux en le démasquant. Mademoiselle, riposta aigrement Hippolyte, le baron est un des officiers les plus distingués de l'armée autrichienne. Il a une position officielle auprès de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, dont il possède la faveur. Je ne suppose pas que François-Joseph approcherait un traître de sa personne et l'honorerait de ses grâces. En ce moment, le docteur Favel, qui avait silencieusement écouté, prit la parole. « Monsieur, dit-il froidement, enfonçant chaque parole comme un coup de bistouri, le baron Jalich a beaucoup de partisans qu'il paye en service de toutes sortes. Vous avez sans doute entendu faire son éloge par une de ses créatures. Mais je suis allé à Vienne, j'ai soigné de hauts personnages. Je sais en quelle main s'estime. On tient le baron de Jalich à la cour de Sa Majesté François-Joseph. La politique oblige le gouvernement à ménager et à soutenir les hommes qui ont livré l'armée hongroise à l'Autriche. Mais on n'a pour eux que du mépris. Le baron de Jalich, notamment, est tenu pour un misérable. Aussi je souhaite de tout mon cœur que ce brave jeune homme qui l'a provoqué ne succombe pas demain. » J'ignorais ces détails, balbutia Hippolyte. Fabel lui tourna le dos, offrit son bras à Fernand toute joyeuse de cette intervention, et l'emmena, laissant le pseudo-vicomte écrasé. « Eh bien, » fit Lambertier triomphant, « vous voyez que j'avais raison. Oh, tout ce que dit le docteur n'est pas mot d'évangile. Permettez, Fabel est un homme sérieux qu'on peut croire sur parole. Moi, j'ai d'autres renseignements. » Le Noël trouva dans sa candeur que son ami Hippolyte se fourvoyait. « Voyons, voyons, ne tentez donc pas, le docteur appelle à Vienne, il sait ce qu'il dit, mon cher. »« C'est toi, Hippolyte, qui ne sais pas ce que tu dis. Hein, quoi, comment ?» fit le Noël interloqué. « Je radote, d'après toi ?» Le bonhomme était devenu tout rouge et il se révoltait. Le Noël était piqué au vif. De ce jour, il s'aperçut que son ami le prenait de bien haut avec lui. Ils continuèrent à échanger des répliques aigres et désagréables. En ce moment, on sonna. « Tiens, » dit Hippolyte, « les voilà, les bohèmes. » Le Noël courut à la porte, l'ouvrit, et vit le cocher qui avait amené les deux jeunes gens prêts à repartir pour Paris. Il ferma la porte de la maison derrière lui et l'arrêta d'un geste le départ du fiacre. Puis, prenant les deux mains d'Armand et le regardant bien en face, « Jeune homme, je ne dois pas vous faire l'effet d'un monsieur grâcheux, désagréable et capable de vous froisser. Ma foi, non. Vous êtes sans père ni mère sur le pavé de Paris. Je suis votre arrière-cousin. Je veux vous servir d'oncle, si ça vous va. Mais où voulez-vous en venir, monsieur le Noël ?» demanda Léon. « Tu vas le savoir et tu es intéressé à la chose. Montons en voiture, brûlons le pavé, nous avons encore une demi-heure avant le dîner. C'est plus qu'il en faut. Où allons-nous ? Laissez-vous faire, c'est pour votre bien. Monsieur Armand, montez donc. Monte aussi, Léon. Je prends le strapon à moi. » « Non pas, » fit Armand, « à votre âge, je ne souffrirai pas. Léon, prends le strapontin, toi. » Léon obéit. Monsieur le Noël donna une adresse et un franc de pourboire d'avance au cocher, qui distribua pour 20 sous de coups de fouet à sa rosse. On roula bon train. Le Noël entama la question. « Jeunes gens, sans vous offenser, vous n'êtes pas riches. Partant, votre mise n'est pas à la hauteur de votre mérite. Vous seriez vexé à cause des demoiselles de ne pas paraître dîner avec des habits propres. « Je vous conduis dans une maison où l'on va vous fournir des pieds à la tête, tous ceux dont vous avez besoin. C'est une avance que je vous fais sur votre part d'héritage. Ça me sera agréable de vous rendre ce petit service, et puis ça vexera Hippolyte. » Jusqu'alors, Armand avait écouté les propositions de Le Noël avec mauvaise humeur. Il croyait que le bonhomme rougissait de recevoir des cousins pauvres. Mais le « ça vexera Hippolyte » fut un trait de lumière. Il devina ce qui avait dû se passer, Léon le comprit aussi. « Votre ami ne nous aime guère, mon cousin, » dit-il. « Il a dû dire du mal de nous. »« Vous savez, c'est un camarade du baron de Jalich, et il tient pour lui. » Puis Armand, « Mais moi, jeune homme, je suis pour vous, et je vous souhaite la victoire. »« Soyez tranquille, » dit Armand avec assurance. « Je lui donnerai demain un bon coup d'épée. Vous savez tirer ?»« Non, mais ça ne fait rien. »« Cependant, jeune homme, vous verrez si je me trompe. Je me connais. Je sens que cette fois-ci, c'est moi qui donnerai du fer à mon adversaire. » »« Du reste, j'ai mon idée, une idée bien simple, mais qui ne viendrait pas à tout le monde. » Le cocher avait brûlé le pavé. On arrivait dans le faubourg Saint-Antoine, en face d'un magasin de confection. C'était une maison de troisième ordre, il est vrai, qui fournissait aux ouvriers vêtements, linge, coiffures et chaussures. Cependant, la coupe des habits n'était pas mauvaise, ni la façon non plus. Le Noël voulut que ses cousins choisissent ce qu'il y avait de mieux. Il n'épargna pas l'argent, et en un clin d'œil, la transformation fut complète. Armand, surtout, était superbe. Un coiffeur acheva la toilette des jeunes gens qui, grantés, frais et pimpants, remontèrent en voiture. On repartit pour Saint-Mandé. En chemin, le Noël se frottait les mains et murmurait joyeusement. « C'est Hippolyte qui sera vexé. » Le départ subi de le Noël avait beaucoup intrigué ses invités. On se perdait en conjecture quand la sonnette retentit de nouveau. La Marion courut ouvrir. C'était Monsieur Le Noël qui faisait son entrée avec ses deux cousins tout flambant neufs, habillés et irréprochables. Hippolyte, qui s'était empressé de venir au-devant des nouveaux venus, eut le premier le nez cassé. Le Noël lui présenta Armand et le présenta ensuite à celui-ci qui s'inclina. Monsieur le vicomte de Nérac, un de vos confrères, avait dit Le Noël. « Ah !» avait fait Armand en saluant. « C'est monsieur qui signe vicomte de Nérac. Permettez-moi de vous complimenter, monsieur. C'est presque du journalisme que vous faites là. » L'annonce arrivée à ce point frise l'art. Jamais Hippolyte n'avait reçu pareil camouflet. Il rougit de colère. Les bourgeois, qui l'avaient souvent fatigué de ses prétentions, souriaient de sa déconvenue. Il se mordait les lèvres jusqu'au sang. « Monsieur, le compliment me flatte de la part d'un reporter. »« Reporter, dites-vous ? C'est-à-dire journaliste de dernier ordre ?» fit en riant le jeune homme. « Vous avez bien raison, monsieur. Je suis peu de chose dans le monde des lettres, mais je vous prierai de considérer que je n'ai pas 20 ans. » C'était dire cruellement au pseudo-vicomte qu'il en avait 45 et qu'il n'en était pas plus avancé dans la carrière. La réponse d'Armand cloua littéralement au sol le pauvre Hippolyte. Pour l'achever, le docteur Favel, ayant Fernand au bras, se dirigea vers Armand que le Noël lui présenta. Tout à coup, Fernand murmura, profondément étonné à l'oreille de son tuteur. « Ne le reconnaissez-vous pas ?»« C'est lui, en effet !» s'écria Favel, et saisissant les deux mains d'Armand, il lui dit avec effusion. « Il a donc fallu, monsieur, que le hasard me mette en votre présence, pour vous remercier de nous avoir sauvé la vie. » Et il raconta en quelques mots à Le Noël comment s'était passée la scène où Armand avait, nous l'avons vu, raconté les détails à Léon. « Mon cher enfant, dit-il à Armand, vous vous battez demain avec un adversaire dangereux. Je ne veux pas que vous ayez un autre chirurgien que moi. Nous irons sur le terrain dans ma voiture. » Armand était au comble de la joie. « Docteur, je vous suis extrêmement reconnaissant. Étant donné que j'exécuterai une idée qui m'est venue, vous ne serez pas inutile. Je donnerai un fameux coup d'épée au baron, mais j'en recevrai un qui sera peut-être dangereux. » En ce moment, parut Madame Le Noël, qui avait été donnée un coup d'œil aux cuisines. Elle était dans toute la pompe majestueuse et ridicule de sa toilette surchargée et de mauvais goût. Son mari lui présenta Armand, elle connaissait Léon. Cette vieille coquette prit feu aussitôt pour Armand. Ce beau garçon exerçait sur elle une irrésistible fascination. Du premier coup, elle appela son cher enfant, ce qui inquiéta Hippolyte. Armand se laissa caresser de la parole et du regard. Il s'ingénia à être charmant, si bien qu'en 5 minutes, il en arriva à rendre folle Madame Le Noël, ce qui mit ce pauvre Hippolyte au désespoir. Celui-ci en vint ne plus savoir ce qu'il faisait. Il marcha sur les plates-bandes. Fernande, cependant, suivait du regard Armand, qui était empêtré de Madame Le Noël. Elle devinait bien que ce n'était qu'un jeu de la part du jeune homme. Explique qui pourra, comment l'amour vient aux filles, comment les plus chastes, les plus réservées, les plus calmes, sont tout à coup atteintes par la passion. Faut-il admettre que c'est une question d'électricité? Est-il vrai qu'hommes et femmes sont numérotés, pairs et impairs, et que quand un numéro 3650 mâles, par exemple, rencontre le 3651 femelles, il y a immédiatement fusion des cœurs. Toujours est-il que les amours à première vue sont fréquentes. Fernande, à la vue d'Armand, avait éprouvé un choc qui l'avait profondément troublé. Quant à lui, ignorant l'impression qu'il avait produite, il avait jugé Fernande trop au-dessus de lui pour aspirer à elle. Mais la cloche sonna. Le potage était servi. Selon l'usage bourgeois, au lieu de laisser chacun se placer selon ses sympathies, M. Le Noël avait indiqué les places par de petites cartes au nom de la personne dans les verres. Il se trouva que, jugeant sainement du reste, qu'une belle fille doit être flanquée d'un beau garçon, M. Le Noël avait mis le nom d'Armand à côté de celui de Fernande. Ils s'assirent l'un près de l'autre. Elle rougit. Lui, qui n'avait aucune arrière-pensée, n'éprouva pas la moindre émotion. Il n'était pas fâché d'avoir cette jolie voisine, mais il était trop résolu à ne pas lui faire la cour pour éprouver la moindre impression. À droite de Fernande était un monsieur des plus insignifiants qui, trouvant à parler à une dame non moins sotte que lui, s'entretint avec elle des mille riens dont s'alimente la conversation entre imbéciles. De ce côté, Fernande fut parfaitement tranquille. Armand avait pour autre voisine une dame qui se trouvait près de l'étudiant en droit, Lamberquier, lequel lui faisait la cour. Ils eurent fort à galantiser tous deux, si bien que personne ne s'occupa de Fernande et d'Armand. Celui-ci admirait sa voisine, non point en sournois, à la dérobée, mais franchement, si bien qu'il s'aperçut qu'il la gênait. « Mademoiselle, dit-il en souriant, encore un regard pour bien mettre votre image dans mon souvenir, et je vous laisse tranquille ensuite. Laissez-moi vous dire seulement qu'il est malheureux que vous ne soyez pas une statue de marbre. Pourquoi donc, monsieur ? Demanda Fernande, interdite. « Parce que l'on pourrait vous admirer à l'aise, sans vous importuner. De grâce, ne croyez pas un compliment banal. Encore moins, ne vous figurez pas que je cherche à vous plaire. Je suis tout simplement frappé de vos perfections. Vous êtes pour moi un chef-d'œuvre de statuaire ayant la vie. je me mépriserais si j'éprouvais l'ombre d'un autre sentiment que l'admiration la plus pure. » Fernande leva les yeux, son regard rencontra celui d'Armand, elle lut la franchise et prit confiance en lui. Puis, baissant la tête, murmura presque douloureusement « Suis-je donc si belle ?» Il y avait une naïveté touchante dans cette exclamation. Fernande comprenait que la pureté de son type de madone la plaçait en quelque sorte hors nature et la divinisait. Elle sentait que, placée à une telle hauteur, elle serait isolée. Cette perspective l'effrayait. Jusqu'ici, on l'avait toujours traitée enceinte. Elle imposait le respect et tous ceux qui l'approchaient subissaient une sorte d'intimidation. Cette solitude de cœur pesait à Fernande depuis longtemps. Elle eût voulu, comme les autres jeunes filles, causer, rire et badiner. Elle n'osait manifester ce désir. N'étant point coquette, elle ne savait pas provoquer adroitement. Elle attendait que quelqu'un la comprît. Armand, étonné de l'exclamation de Fernande, examina la jeune fille. Il eut l'ennui dans ses yeux mélancoliques, et d'intuition, il devina la situation d'âme dans laquelle se trouvait Fernande. « Je suis désolé, » dit-il en souriant, « de ne pas être votre frère, mademoiselle. Pourquoi donc ? » demanda-t-elle d'un air joyeux. « Parce que vous ennuyez, et que je saurais vous distraire. Les hommages dont on vous accable vous fatiguent. Vous êtes lasse dansant. Vous trouvez fastidieux d'être toujours l'objet d'un culte. Bref, vous voudriez descendre de l'autel, cesser d'être une sainte, pour devenir une jeune fille qui se promènerait honnêtement dans les sentiers de la vie comme les autres. Or, si j'étais votre frère, je vous offrirais mon bras, et je vous ferais voir du monde tout ce qu'une demoiselle bien élevée peut en voir. » Fernande poussa un gros soupir. « Vous avez raison, il est bien malheureux pour moi que je n'ai pas un frère. Vous aurez un mari, » fit Armand en souriant. Elle rougit beaucoup. Il continua. « Vous pourrez choisir. Vous avez une grosse dot et votre beauté. » « J'ai peur, » dit-elle, que l'une et l'autre n'écartent les prétendants. J'en serais peut-être réduite à coiffer Sainte-Catherine ou à épouser une personne que je n'aimerais pas. » Armand, cette fois, regarda très attentivement Fernande qui baissait les yeux. Elle craignit d'en avoir trop dit. Il lui semblait qu'elle se jetait à la tête de ce jeune homme. À vrai dire, elle n'avait pas reçu d'une mère cette éducation savante qui apprend la stratégie et la tactique aux jeunes filles. Fernande se sentait au fond de l'âme une profonde sympathie pour Armand. Elle eût voulu qu'il l'aimât. Elle avait cette chaste loyauté vis-à-vis d'elle-même de s'avouer quand son cœur battait vite à côté de ce jeune homme, qu'elle éprouvait une délicieuse sensation de plaisir à se sentir près de lui, qu'elle l'aimait enfin. Il semblait, comme les autres, intimidé. Elle l'encourageait franchement, sans hypocrite subterfuge, sans comédie et sans manège. Armand, de son côté, n'était pas l'homme des faux fuyants et des lignes courbes. Il allait droit au but. « Mademoiselle, » dit-il en baissant la voix, « vous avouez que vous vous ennuyez. Vous êtes à l'âge où une jeune fille pense qu'il lui faudra faire un choix quelque jour. Vous êtes sincère et bonne. Voulez-vous me permettre de vous adresser quelques questions ?»« Oui, monsieur, » dit-elle très bas, très fermement, mais pourpre comme une cerise. « Je vous demanderai donc, » fit Armand, « si vous accepteriez pour prétendant un jeune homme vous plaisant, bien entendu, sans fortune, mais ayant une position, gagnant 5 à 6 000 francs par an, ayant du talent et de l'avenir devant lui. Si jamais ce jeune homme, avec le consentement de mon tuteur, auquel il déclarerait ses intentions, « Oui, monsieur, j'accepterais sa main. Et vous attendriez qu'il eût conquis en 1 an ou 2 sa position ?»« Oui, monsieur. Le champ est ouvert, » fit Armand tout joyeux. « Que voulez-vous dire ?» demanda Fernande. « Mais, mademoiselle, vous venez d'accepter un programme qui me permet de concourir, » répondit Armand. « Je puis, en me rangeant et en travaillant sérieusement, devenir un des bons reporters de Paris et gagner beaucoup d'argent. Plus tard, je serai un écrivain de quelque talent. Je me sens quelque chose dans la poitrine. Je puis donc me mettre sur les rangs et espérer. Je... Mais qu'avez-vous ? Vous pleurez ?» Fernande avait en effet des larmes dans les yeux. Elle cacha furtivement sous son mouchoir de batiste ses diamants qui tremblaient à ses cils et dit tristement « Hélas, monsieur, pourquoi vous battez-vous demain ?» C'était un aveu qui échappait à cette charmante fille malgré elle. Armand en fut profondément ému. Il pâlit d'émotion. Pendant quelques secondes, les dents serrées, les lèvres blêmes, il ne put trouver un mot. Enfin, il murmura à l'oreille de Fernande. « Je vous remercie, mademoiselle, de l'intérêt que vous me portez. Je vous prie de vous rassurer. Je ne suis pas un tireur émérite. J'ai du poignet, mal taille et du sang-froid. J'ai des chances de m'en tirer. Mon tuteur sera près de vous. dit Fernande. Il vous aime déjà. J'espère que vous suivrez ses conseils et que vous gagnerez tout à fait son affection. Mais je n'aurai pas d'effort à faire pour m'ingénier à lui être agréable. C'est un caractère et un talent que j'admire. On dit que vous êtes dissipé, fit Fernande avec un peu d'hésitation. Pour appeler les choses par leur nom, dit Armand, je suis ou plutôt j'étais bohème. Mais je vais rompre avec cette existence folle. Vous me le promettez, je vous le jure. Tout ce dialogue se passait à mi-voix. Au milieu du bruit des verres qui se choquaient, des conversations bruyantes, personne n'entendit un mot que les intéressés. Seul Hippolyte les observait. « Mademoiselle Fernande, dit-il à sa voisine, a l'air d'écouter bien attentivement son cousin. Eh, dit la voisine, ce sont des jeunes gens. Ils ont peut-être quelque chose à se dire. Ça ne nous regarde pas, monsieur. » Hippolyte, remis à sa place, se tut. Toutefois, il continua à observer haineusement. Le premier pas fait, Armand et Fernande avaient en effet mille choses à se dire. « Je crains, monsieur, disait timidement Fernande, que vous n'interprétiez mal ma conduite, mais le danger que vous allez courir ne m'a pas permis de cacher l'intérêt que je vous porte. « Mademoiselle, dit Armand, vous avez le cœur et l'âme pure comme le cristal. Je suis, moi, un honnête garçon, incapable d'une pensée vile ou lâche. Le hasard nous a mis en présence. Nous sommes orphelins tous deux. Nous avons éprouvé de la sympathie l'un pour l'autre. Vous avez cédé à une pitié généreuse. Qu'avez-vous donc à vous reprocher ? D'avoir été sincère, d'avoir été grande de simplicité et de franchise, croyez à tout mon respect, à tout mon dévouement. Si par bonheur, dit-elle, vous échappez à ce duel sans blessure, mon tuteur vous recevra, je pense, tous les mercredis et les vendredis. Vous viendrez ? Oh oui, certes. Quand il en sera temps, je vous préviendrai et vous déclarerai vos intentions. Je me laisserai guider par vous, fit-il. Mon tuteur, reprit-elle, m'a déclaré 100 fois qu'il était partisan du système anglais pour les fiancés. Il veut qu'on leur laisse une certaine liberté. Sous la sauvegarde de Monsieur le Noël, nous nous promènerons quelquefois ensemble, n'est-ce pas ? Le plus souvent possible, dit Armand avec enthousiasme, toujours s'il y a moyen. Si vous étiez blessé, dit-elle, il est probable que mon tuteur vous ferait porter dans la petite maison de santé qu'il a fondée dans sa propriété de Neuilly. Je suis un peu la garde-malade de ses pensionnaires. Je vous soignerai moi-même. C'est à désirer un coup d'épée, dit Armand radieux. Et ils devisèrent ainsi longtemps, faisant peu d'honneur au matelot de Monsieur le Noël. Toute chose a une fin, cependant, même un dîner bourgeois. On servit le café. Monsieur le Noël allait se lever pour prendre la parole et causer de la grande affaire quand un coup de sonnette retentit. La Marion ouvrit et l'on vit descendre de voiture une jeune femme qui devait appartenir au monde le plus distingué et qui était accompagnée d'un personnage mis avec recherche et décoré d'ordres étrangers. À sa vue, Hippolyte enchanté s'écria « C'est lui, c'est le baron de Jalisch !» Le Noël stupéfait se leva pour recevoir les nouveaux venus. Madame le Noël imita son mari. Il s'était fait un grand silence. Tous les invités regardaient tour à tour Armand et son adversaire, ne comprenant rien à ce qui se passait. Le baron n'avait pas vu Armand. « Monsieur, dit-il, après avoir salué Madame le Noël, je me présente chez vous à titre de parent et de co-héritier. Je me rends à votre invitation avec Madame la comtesse Vichenska, ma sœur. J'ai dans ma voiture les titres qui établissent ma parenté et j'aurai l'honneur de vous les soumettre. » Le Noël était un peu embarrassé. « Monsieur, je sais qu'il existe dans la famille une branche hongroise. Je vois que vous en êtes les représentants. Soyez les bienvenus. J'allais développer mes idées quant aux mesures à prendre pour la succession. Si vous êtes assez bon pour m'écouter, vous auriez ensuite à soumettre vos observations pour ou contre les mesures proposées. » Le baron et la comtesse s'inclinèrent en signe d'assentiment. Monsieur le Noël offrit des places aux nouveaux venus. Hippolyte vint s'empresser de serrer la main au baron et de saluer la comtesse. Celle-ci montra une attitude digne, un peu ennuyée, comme il convient à une grande dame fourvoyée dans un monde qui n'est pas le sien. Le baron, plus liant et plus affable, causait familièrement avec Hippolyte. Celui-ci, à voix basse et avec l'accent le plus haineux, dit à Jalisch « Vous voici, monsieur le baron, en face de votre adversaire. » Il désignait Armand du regard. Fernande éprouvait une angoisse mortelle. Elle dominait difficilement son trouble. Armand était impassible. Tout le monde chuchotait. L'incident offrait une certaine solennité. On se demandait ce qui allait se passer. Jalisch regarda en face à Armand, qui, de son côté, le regardait sans provocation, mais avec une fermeté telle que le baron détourna la tête. « Mon cher, dit-il bas à Hippolyte, j'ignorais cette particularité que mon adversaire fut mon parent et co-héritier. Il faut arranger l'affaire, fit Hippolyte avec une fausse bonhomie. Impossible, répondit Alice. L'insulte est trop grave. Il faut du sang. Personne ici n'a intérêt à ce que le duel n'ait pas lieu. Si je tue demain ce jeune homme, c'est une part d'héritage qui rentre à la masse. Et il continua sur ce ton moitié léger, moitié sérieux, affectant une indifférence profonde pour le dénouement qui devait avoir lieu le lendemain. La comtesse causait de son côté avec Madame Le Noël, qui déployait ses grâces avec la lourdeur d'un canard domestique qui déploie ses ailes. La conversation roula d'abord sur les lieux communs et les banalités. « Vous avez ici une propriété charmante, madame, c'est adorable. »« Mille fois bonne, madame, c'est bien petit, mais pour des gens comme nous, etc., etc. » Cependant, la comtesse remarqua Armand et Fernande. « Quelle est cette jeune personne si belle ?» demanda Laura. « C'est la pupille du docteur Fabel, » répondit madame Le Noël. « Et ce jeune homme, à côté d'elle ?» Madame Le Noël était un peu embarrassée. Elle prit des circonlocutions. « Malheureusement, ce jeune homme n'est pas inconnu pour vous. » « Pourquoi, malheureusement ?»« Parce que son nom vous rappellera une affaire fâcheuse. »« Mais peut-être ignorez-vous ?»« De grâce, expliquez-vous. »« Savez-vous que votre frère, madame, a eu dans un café une querelle ?»« Mon Dieu, je n'aurais pas dû peut-être vous parler de ceci. »« Mon frère m'a raconté, madame, qu'il se battait demain. »« Voilà son adversaire, madame. »« Il est de nos parents ?»« Oui, madame. »« Ah, fit la comtesse, c'est fâcheux. » Et d'un air de pitié. « Pauvre garçon. » Il est bien jeune pour mourir. Je prierai Yalich de le ménager. » En ce moment, M. Le Noël se levait et prenait la parole. Il se fit un grand silence. « Mesdames, fit l'amphitryon, messieurs, chers parents, j'ai eu l'honneur de vous convoquer pour vous proposer un moyen pratique de sauvegarder les intérêts généraux et par conséquent les intérêts particuliers de tous dans l'affaire de la succession. L'union fait la force. » On applaudit. M. Le Noël reprit. Je propose de former un syndicat pour obtenir l'assurance que le duc, notre parent, vit pour arriver à sa délivrance ou pour constater sa mort. Bravo, bravo, cria-t-on. Vous comprenez que si nous ne prenions pas des mesures énergiques, on pourrait nous accuser d'être restés indifférents au sort du duc vivant. S'il est mort, au contraire, il nous faudrait attendre pendant 30 ans l'ouverture de la succession, à moins de faire constater le décès par acte de notoriété, ce à quoi nous devons tendre les efforts du syndicat. « Bravo, bravo !» crièrent les héritiers avec enthousiasme. Ils voyaient tous les millions en perspective. Monsieur Le Noël conclut en disant « Si nous avons le bonheur de faire rendre la liberté à notre parent captif, ce dîner sera certainement le plus beau jour de notre vie. S'il est mort, nous verserons des larmes sur son trépas, nous lui ferons rendre les honneurs qui lui sont dus et nous aurons la conscience en paix, ayant rempli notre devoir, ce qui nous permettra de jouir sans remords de l'aisance dans laquelle cette succession mettra chacun de nous. » Cette péroraison fut généralement admirée, on applaudit à outrance. Le Noël, ému au-delà de toute expression par son succès, ne put trouver que quelques paroles entrecoupées. « Chers parents, cette soirée, nous sommes tous unis comme les 5 doigts de la main. Merci, merci, je m'en souviendrai toujours. » Un lambertier, qui avait un discours à placer, lut un speech écrit. Nous en faisons grâce au lecteur. Un autre orateur prit la parole, mais ne put aller au-delà de « Mesdames et messieurs ». Hippolyte jugea qu'il devait obtenir un petit succès et il se leva. Aussitôt Armand se leva aussi. « Pardon, demanda-t-il à Hippolyte, est-ce que vous avez l'intention, monsieur, de prendre la parole dans cette affaire de succession ?»« Mais oui, dit Hippolyte interloqué. « Je me permettrai de vous demander, monsieur, fit Armand, si vous êtes héritier. »« Non, dit Hippolyte déconcerté. Mais comme ami de M. Le Noël, j'ai 50aine d'amis, dit Armand. Vous comprenez que s'ils étaient tous ici, vous voyant discourir, ils ne manqueraient pas d'en faire autant. Ça nous mènerait jusqu'à 3 heures du matin. J'ajoute que M. Le Noël a montré dans cette affaire trop de bon sens et qu'il s'est expliqué avec trop de clarté pour qu'il soit besoin de revenir sur ce qu'il a dit. Je propose un toast en l'honneur de Mme Le Noël et de son mari, nos hôtes, et le vote des conclusions posées par M. Le Noël à l'unanimité et par acclamation. On applaudit frénétiquement. Les petits verres à liqueur remplis se tendirent tous vers M. Le Noël, qui sut un gré infini à Armand d'avoir provoqué cette ovation. Hippolyte était déféré des 4 pieds. Fernande elle-même riait, le voyant si penaud. Cependant, il fallait élire un syndic par toc de famille. Quand les syndicats furent formés, Fabel prit la parole. « J'ai consenti à faire partie du comité que vous venez de nommer. » Mais avant de voir en lui un syndicat ayant en vue la succession du duc, qui fut mon ami, je l'envisage surtout comme ayant pour but de rechercher si le duc est encore vivant. Nous avons là un devoir à remplir. Nous serons secondés par la justice du consulat français qui s'est ému des circonstances dans lesquelles le duc a disparu. Le consul croit un crime. On pense qu'il s'agit d'un complot longtemps médité d'avance. Mon intention est de me rendre en Égypte, s'il le faut, d'assister à l'enquête qui sera faite par les soins du consul et de tirer cette affaire au clair. Nous avons déjà un faisceau d'indices, des soupçons, des renseignements précieux. S'il y a eu crime, nous obtiendrons contre les assassins la vengeance des lois. Cette face nouvelle de l'affaire révélée par le docteur causa une impression profonde. Yalich, inquiet, se domina. La comtesse lui donna l'exemple de l'attitude qu'il devait prendre. De ses mains gantées, elle applaudit le docteur, le baron imita sa sœur. En lui-même, cependant, il songeait que Fabel allait considérablement le gêner. Et de son côté, la comtesse disait que le docteur était un homme dangereux. Mais elle se demandait s'il avait des soupçons directs, s'il savait quelque chose des menées de Yalich. Elle se promit d'éclaircir ce sujet. Le but que se proposait M. Le Noël étant atteint, le syndicat étant formé, la soirée s'avançant, tout le monde demeurant plus ou moins loin, chacun songeait à se retirer. Les Lambertquier en donnèrent le signal, puis le baron et la comtesse partirent. Peu à peu, le jardin se vida. Il ne resta plus que le docteur, Fernande, Armand, Léon et maître Hippolyte qui, pour le moment, parut gênant à Fabel. Il eût voulu écarter cet importun, Armand s'en aperçut. « Je vais, dit-il à Fernande, ménager votre tuteur en tête-à-tête avec M. Le Noël. Ce faux vicomte de Nérac le gêne, évidemment. Et comment vous y prendrez-vous ? Oh, c'est bien simple, causez avec Léon et suivez ma manœuvre du coin de l'œil. » Il se rapprocha de Mme Le Noël et lui dit les choses les plus aimables. Jamais la vieille coquette ne s'était trouvée à pareille fête. Hippolyte, qui ne lâchait pas Le Noël depuis une demi-heure afin de s'imposer, Hippolyte, qui voulait savoir ce que Fabel pouvait avoir à dire à son ami, Hippolyte, curieux et intrigant, fut tout à coup saisi de jalousie. Il entendit rire à gorge déployée, sous les ombrages d'une allée, Madame Le Noël, qui cherche avec Armand les coins sombres. Le jeune homme lui disait les choses les plus bouffonnes et les plus risquées. Le pseudo-vicomte fut mordu au cœur et il quitta Le Noël pour se glisser dans un massif devant lequel Armand et Madame Le Noël devaient nécessairement passer. Il s'embusqua pour entendre et boire. On sait à quel point la jalousie peut égarer un homme. Hippolyte, qui se croyait si sûr du cœur de sa maîtresse, fut saisi de rage en la voyant s'appuyer plus que de besoin sur le bras de son cavalier. Celui-ci avait vu remuer les branches de lilas derrière lesquelles Hippolyte s'abritait. Il entendait au bout du jardin le Noël qui toussait, car l'excellent homme, en sa qualité de pêcheur, avait une bronchite acquise dans les brouillards de la Seine. Sûr qu'il n'était pas espionné par le mari, mais par Hippolyte, Armand roucoula comme un ramier, et Madame Le Noël se montra trop colombe, vieille colombe, mais enfin colombe, si colombe, qu'elle laissa son cavalier lui donner deux baisers. À cette vue, Hippolyte, ne se contenant plus de rage, sortit des lilas, et se plantant, le poil hérissé, devant les deux coupables, il leur lança cette apostrophe indignée. « Ne vous gênez pas, c'est dégoûtant !» Madame Le Noël faillit s'évanouir. Mais déjà la main d'Armand s'était battue sur la gorge d'Hippolyte. « Monsieur, lui dit le jeune homme à l'oreille, vous venez de vous trahir. Vous êtes l'amant de Madame Le Noël, par conséquent un misérable. Je plaisantais avec Madame Le Noël, vous sachant là, en train d'espionner. Vous n'avez aucun droit à faire une scène, le mari est près d'ici. « Monsieur, dit avec une fureur mal contenue le pseudo-vicomte, je vous ferai repentir de vos insolences et de vos calomnies. « Soit, dit Armand, mais en attendant, sortez d'ici. « Moi ? Fit Hippolyte. Il regarda Madame Le Noël qui peu à peu avait repris son aplomb. Elle n'avait pas entendu le dialogue qui avait eu lieu à voix basse. « Madame, dit Armand, pour éviter un scandale, faites comprendre à monsieur qu'il doit se retirer sans bruit et à l'instant. » Madame Le Noël était sous le charme. En quelques heures, Armand avait pris sur elle un empire irrésistible. Elle croyait à sa tendresse. Comment eût-elle hésité entre lui et Hippolyte, qui était malingre et rachitique ? Elle prit un parti énergique, mais elle fut hypocrite, comme le sont toutes les femmes. « Cher ami, » dit-elle au pseudo-vicomte, « je vous le demande en grâce, partez. » Hippolyte reçut le secours avec irritation. Il se révolta contre cette injonction présentée sous forme de prière. Il devint brutal. « Madame, vous êtes une... pas grand-chose, je... » Il n'acheva pas. La main robuste d'Armand s'abattit sur lui, le saisit à la ceinture, le souleva, le balança dans les airs et le lança par-dessus le mur du jardin. Ce pauvre Hippolyte décrivit dans les airs une parabole et s'en alla retomber dans un champ voisin sur un tas de fumier. Il s'évanouit de peur, de douleur et de saisissement. Il faillit mourir, suffoqué. Madame Le Noël avait jeté un cri et l'écouta pendant quelques minutes pour entendre ce qui allait se passer derrière le mur. Hippolyte ne bronchait pas. « Malheureux enfant, » dit-elle Armand, « si vous l'aviez tué. »« Hélas, madame, ne l'espérez pas, » dit le jeune homme. « Ces sortes de gens ont la vie dure. Il n'en crèvera pas encore cette fois. » Puis offrant son bras, « Continuons notre promenade, je vous prie. Mais, monsieur, je suis tout ému, je... »« Bah, ne vous inquiétez de rien. Ce faux vicomte est sur pied et il cherche une voiture pour le ramener chez lui. Vous en serez quitte pour avoir demain une explication orageuse avec lui. Marchons un peu, cela vous remettra. » Le docteur, après avoir causé de l'héritage avec le Noël, alla prendre Fernande auprès de laquelle Armand était revenu. Il s'était débarrassé de Madame le Noël en lui disant qu'une plus longue promenade en tête-à-tête exciterait les soupçons. Madame le Noël était allée donner son coup d'œil à l'intérieur de sa maison. Armand avait raconté ce qui venait de se passer à Léon et à Fernande. Ils riaient tous trois quand Favel vint chercher sa pupille. « Jeune homme, » dit-il à Armand, « vous viendrez me prendre chez moi pour votre affaire. Je vous mènerai sur le terrain dans ma voiture. » Fernande pâlit. Elle avait presque oublié qu'Armand se battait et pouvait mourir. Il sourit pour la rassurer et trouva le moyen, en lui présentant son châle, de lui glisser deux mots de tendresse et d'espérance dans l'oreille. Le docteur et Fernande partis, les deux jeunes gens prirent congé. Madame Le Noël serra avec frénésie la main d'Armand qui lui rendit faiblement cette chaude pression. Une fois dehors, Armand proposa à Léon d'aller voir ce qu'était devenu Hippolyte. Ils firent le tour extérieur du jardin de Le Noël et trouvèrent le pseudo-vicomte revenu à lui depuis quelques minutes et assis sur le fumier comme Job. Il rassemblait ses idées. En le voyant dans cette position, couvert de crottes et laminé à huris, Armand ne put s'empêcher de rire. Léon fit chorus. Le pseudo-vicomte, indigné, se leva d'un bond et saisissant Armand la cravate, il ébaucha le cri « À l'assassin !» En ce moment, M. Le Noël disait à sa femme « C'est singulier. Hippolyte ne nous a pas souhaité le bonsoir. Il ne peut être parti et je le cherche depuis 5 minutes sans le trouver. Est-ce qu'il boudrait ?» Et il appelait « Hippolyte !» Personne ne répondait. Tout à coup, le cri « À l'assassin !» retentit. Il courut dans la direction d'où l'appel était parti. Il fut stupéfait de voir tomber à ses pieds son ami qui venait de lui être relancé par-dessus le mur par des mains vigoureuses. C'était Armand qui faisait cette mauvaise plaisanterie au pseudo-vicomte. Lorsque celui-ci lui avait mis la main à la gorge, en criant, le jeune homme avait compris que les appels d'Hippolyte allaient attirer du monde et que les affaires se gâteraient. Il fallait en finir. Armand jugea que le mieux était de renvoyer Hippolyte à Le Noël. « Mon cher, lui dit-il en l'empoignant, je vous ai fait sortir. Je répare mes torts en vous faisant rentrer. Ne m'en veuillez pas. » Et il le lança. Le pseudo-vicomte tomba assez mollement, du reste, sur des tours de lilas. C'est là que le recueillit le Noël. « Qu'y a-t-il ? » demanda stupéfait le brave pêcheur à la ligne. Au moment où Hippolyte allait parler, une voix de stentor cria du dehors. « Polyte, pas un mot, ou je dis tout. Tais-toi, mon chéri. »« Le silence ou la mort ?» cria une autre voix en ricanant. Et puis, plus rien, des bruits de pas qui s'éloignaient. « Ah ça, » dit Monsieur le Noël, « m'expliqueras-tu ce qui s'est passé ?» Hippolyte sentit qu'il était impossible de dire la vérité. Il trouva une explication. « Mon cher, tu avais beaucoup trop de monde ce soir, et quand j'ai voulu aller, quelque part j'ai trouvé porte close. Alors tu es sorti, précisément, sur le fumier. J'étais en train de réfléchir quand des farceurs que je ne connais pas se sont amusés à me faire l'atroce blague que tu as vue. « Tu n'en es pas mort, permets-moi d'en rire, » fit le Noël. Et pour humilier son ami, auquel il tenait rancune, il ajouta. « Je crois qu'ils t'ont plongé dans les réflexions que tu faisais. Tu ne sens pas bon, mon cher. »« Ce n'est pas bien de se moquer de moi, » fit Polyte vexé. « Ça peut arriver à tout le monde. » Il manquait une joie à le Noël, c'était que sa femme vit Polyte en pareil état. Cette satisfaction, il l'eut. Madame le Noël accourut. « Ah, mon Dieu ! Qu'y a-t-il ? Monsieur Hippolyte, expliquez-vous. »« Ma bonne, » dit le Noël, « ce pauvre garçon, comment te dire ça ? Il était dehors, sur le fumier du voisin, des farceurs l'ont jeté par-dessus notre mur. Il est dans un triste état. » Et à Hippolyte, « Tiens, mon cher, voilà la clé de ma chambre, va te changer. »« Mon cher, y pensez-vous, dans votre chambre ? Monsieur Hippolyte va tout salir, tout empoisonner. Il fait nuit, il demeure près d'ici, qu'il aille se changer chez lui. »« Tu es dur pour lui, Bobonne, » fit le doux monsieur le Noël. « Il n'a que ce qu'il mérite, » répliqua madame le Noël, impitoyable et injuste, comme toutes les femmes coupables, qui cherchent toujours à cacher leur tort en en donnant aux autres. « Si monsieur Hippolyte ne fourrait pas son nez partout, ça ne lui arriverait pas. » Il devait espionner des amoureux pour sûr dans le champ du voisin. C'est la manie de monsieur. « Ah ah ! » fit le Noël, « elle est bien bonne, je comprends tout. »« Madame, madame !» disait Hippolyte d'un air sombre et menaçant. « Quand vous direz, madame, madame, » fit-elle, « ça ne nous empêchera pas d'être punis comme vous le méritez et de sentir mauvais. » Hippolyte crevait de rage, mais que dire, mais que faire ? Il ne pouvait dévoiler la vérité devant ce mari qui l'avait outragé. « Je m'en vais !» dit-il d'un ton tragique. Mais je n'oublierai pas que ce soir des amis m'ont traité comme un vil misérable. » Et il partit, laissant M. le Noël un peu troublé par son reproche. Le brave pêcheur voulut courir après l'ami Hippolyte et le rappeler. « Laisse-le donc, » fit Mme le Noël, « il n'en vaut pas la peine. » « Au fait, » murmura le Noël, « il est l'ami de ce Yalich. S'il se brouille avec nous, nous n'avons rien à y perdre. » Et sur ce, M. le Noël offrit à sa femme de rentrer. Il la trouva ce soir-là, d'une amabilité extraordinaire. C'était la faute d'Armand qui avait fait flamber ce vieux cœur. Faute de grive, on prend des merles. C'est M. le Noël qui était le merle. Le lendemain matin, Léon et Théodore étaient au rendez-vous fixé par les témoins de Yalich.